jour pour demain. On ne fait jamais, jamais ce qu'on a choisi. On court tout le temps devant, derrière sa vie. L'herbe est sans doute plus verte ailleurs. Le sang passe quand même par le cœur. Tu es tout seul, t'attends quelqu'un. L'avenir c'est toujours pour demain. Fais ta valise, rêve et sauve-toi. Le monde est petit, plus petit qu'on croit. En premier train qui s'en va, dégage chez toi et va ça. Dégage chez toi, fais ta valise, rêve et fous le camp. Fous-toi surtout de ce que pensent les gens. Tout seul tu deviendras quelqu'un. L'avenir c'est toujours pour demain. Sache qu'on est tous passés par là. Tu es tout neuf et ça tombe bien. L'avenir c'est toujours pour demain. Faudrait une femme, ça irait mieux. Mais les gamines malines préfèrent les vieux. Sois patient, un jour ça viendra. Tu auras le même âge que moi. Tu es trop jeune et tu n'y peux rien. L'amour c'est toujours pour demain. Fais ta valise, rêve et sauve-toi. Le monde est petit, plus petit qu'on croit. En premier train qui s'en va, dégage chez toi et va ça. Dégage chez toi. Fais ta valise, rêve et fous le camp. Fous-toi surtout pensent les gens. Tout seul tu deviendras quelqu'un. L'avenir c'est toujours pour demain. Fais ta valise, rêve et sauve-toi. Le monde est petit, plus petit qu'on croit. En premier train qui s'en va, dégage chez toi et va ça. Dégage chez toi. Fais ta valise, rêve et fous. Fous-toi surtout de ce que pensent les gens. Tout seul tu deviendras quelqu'un. L'avenir c'est toujours pour demain. L'avenir c'est toujours pour demain.